L'heure de l'adoration. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure de l'adoration, une production de Fréquence Vie. Notre Dieu est grand, notre Dieu est excellent, notre Dieu est puissant. Et il se révèle dans des dimensions extraordinaires dans la vie de ceux qui s'approchent de lui. Il a dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et nous venons, à travers cette adoration, chercher sa face, nous approcher de lui, l'écouter, l'entendre et nous faire entendre de ce grand Dieu. Ce Dieu excellent qui en lui seul renferme tout ce qu'un cœur humain peut chercher. La Bible nous parle d'El Shaddai, de Jéhovah, d'Adonai, de Yahvé, de Jésus-Christ. Et dans tous ces noms, nous retrouvons une dimension de ton action. Ceux qui ont besoin que tu pourvoies, Seigneur, tu es le pourvoyeur pour eux. Ceux qui sont enchaînés, tu interviens comme libérateur. Ceux qui pleurent, tu interviens comme consolateur. Ceux qui sont égarés, tu interviens comme la lumière qui éclaire leur sentier. Et tu leur donnes de se retrouver. Toutes ces dimensions-là sont cachées en toi et en toi seul. Et parce que tu es en nous, Seigneur, toute fois que nous nous déplaçons, nous pouvons dire avec assurance que Shama, l'éternel Dieu, est ici. Il est ici maintenant même. Parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, la Bible déclare qu'il est présent. Là où son nom est invoqué, il est là. Et ce matin, j'aimerais que tu élèves la voix et que tu commences à adorer ce Dieu. Élève-le. Prononce les différents noms que tu sais de lui. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le Messie. Il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Nissi. Quel que soit ce que tu cherches, quel que soit ce à quoi ton cœur aspire, il y a dans les bras de ce Dieu tout ce que ton cœur peut désirer. Est-ce que tu as besoin de paix? Jéhovah Shalom est là pour toi ce matin. Est-ce que la mort rôde autour de toi? La Bible déclare qu'il est non seulement le chemin, la vérité, mais il est également la vie. Et pendant que tu l'adores, sa vie fait son entrée dans ta maison. Sa vie fait son entrée dans tes entreprises. Sa vie fait son entrée. De sorte que tu ailles et que tu marches de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, de succès en succès. Que tu écrases la tête de l'ennemi. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sa parole déclare que rien ne pourra te nuire. C'est un honneur et un privilège pour nous d'adorer un tel Dieu. Un honneur et un privilège pour nous d'acclamer un tel Dieu. Un honneur et un privilège pour nous de célébrer un tel Dieu. Éternel est ton nom. Jéhovah est ton nom. El Shaddai est ton nom. Adonai est ton nom. Nous voici à tes pieds en ce jour pour t'adorer. Nous voici à tes pieds en ce lieu pour t'adorer. Shama, Shama, Shama, tu es là, éternel. Shama, Shama, Shama, tu es là, Jéhovah. Là où ton nom est invoqué, Shama, Shama, tu es là. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Shama, Shama, Shama, tu es là. Libérateur, Libérateur, est ton nom. Pourvoyeur, pourvoyeur est ton nom. Dieu qui guérit, Dieu qui guérit, ah, est ton nom. Dieu qui élève, est ton nom. Voici assemblés en ce lieu avec nos besoins. Nous voici assemblés en ce lieu avec nos besoins. Assis dans nos vies. Solution, Shama, Shama, Shama, Shama, hey, hey. Tu es là. Seigneur, je lève les cieux vers les montagnes. D'où me viendra le secours si ce n'est de toi? J'ai confiance en toi seul. Non, ne me laisse pas ainsi. Entends ma prière et viens m'en libérer. Lorsque tu te présentes, une chose nouvelle arrive. Lorsque tu rencontres quelqu'un, son histoire change. Lorsque tu touches à une vie, elle est renouvelée. Et quand tu parles à un cœur brisé, Seigneur, il est revigoré. Regarde tes enfants au milieu de nous qui ont faim, qui ont faim, qui ont soif. Regarde tes enfants au milieu de nous qui crient, qui pleurent jour et nuit. Regarde tes enfants au milieu de nous qui sont tellement découragés. Souviens-toi de tes enfants au milieu de nous qui désespèrent. Ils ne croient plus en rien. Ils ont oublié que tu n'as pas changé. Ils ont oublié que tu t'appelles encore Je suis. Ils ont oublié que ton sang coula à Golgotha et que par tes meurtrissures ils sont guéris. Et que par tes meurtrissures ils sont guéris. Ils ont oublié que par toi la fille de Jaïrus fut guérie, ressuscitée. Ils ont oublié qu'après 12 ans, une femme t'a touché et elle fut guérie. Ils ont encore oublié comment Bartimée a recouvré la vue. Ils ont oublié ces lépreux qui sont devenus purs en ton pouvoir. Ces boiteux qui ont marché, ces sourds qui ont entendu, ces lunatiques délivrés, le fou de Gadara délivré. Rien n'a été impossible de ton vivant. Et pourtant tu as dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin qu'après moi vienne le Consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont oublié que tu l'as dit. Ils ont aussi oublié que tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je serai toujours avec vous. Et toi qui m'entends en ce moment, je suis là pour te rassurer. Il est tout près de toi. Il est tout près de toi. Il est tout près de toi. Il te tiendra par la main et tu avanceras. Et tu avanceras de victoire en victoire, de succès en succès. Alléluia. Il te fera entrer dans les lieux les plus élevés que ce monde puisse connaître. Car l'Éternel ton Dieu est toujours à côté de toi. Souviens-toi de tes enfants qui pleurent, qui crient, qui pleurent, qui crient, qui pleurent, qui crient tous les jours. Jour et nuit devant ta face, il ne faut que pleurer. Tous les jours devant ta face, il ne faut que pleurer. Consolateur, ouvre une porte. Consolateur, ouvre une porte. Consolateur, ouvre une porte de délivrance. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais, le Dieu qui ne renonce jamais, le Dieu vivant qui nous a tant aimés, c'est toi. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas crier? Jamais, jamais tu es là. Là où ton nom est prononcé, là où Jésus est invoqué, là où ton peuple est assemblé, tu es présent encore une fois aujourd'hui. Nous le savons, nous le vivons. Hey, hey. Je vois les guérisons se multiplier, je vois les délivrances se multiplier, je vois l'élévation se multiplier, je vois la consolation se multiplier, je vois la vie se multiplier, je vois la joie se multiplier, je vois la paix se multiplier, la guérison se multiplier, l'élévation se multiplier, la paix dans les cœurs se multiplier, la joie du Seigneur se multiplier, la paix du Seigneur se multiplier, l'amour de Dieu dans les vies, les chemins qui s'ouvrent se multiplier, les portes qui s'ouvrent se multiplier, les verrous qui éclatent se multiplier, la délivrance se multiplier, la libération se multiplier, beaucoup d'adorateurs se multiplier, qui s'approchent de toi jour et nuit. Je vois se multiplier. Je vois, je vois, se multiplier. Je vois, je vois, se multiplier. Je vois, je vois, se multiplier. Et j'entends les témoignages. Alléluia. J'entends les témoignages. J'entends cette sœur qui dit ceci. Je suis mariée depuis toutes ces années et je n'ai point enfanté. Et j'entends son témoignage qui dit ceci. La bonne main de l'Éternel s'est levée sur mes entrailles. Et par sa grâce et dans son amour infini, je puis entendre les cris d'un enfant dans ma maison. Le cri d'une multitude autour de ma table. Alléluia. Qu'est-ce qui ne peut pas faire ces dieux-là? Hey. Comment ne pas te célébrer? Mais comment ne pas t'acclamer? T'acclamer, je veux t'acclamer, t'acclamer, je veux te célébrer pour ce frère dans la famille de qui on a dit qu'il n'y aurait point de position élevée. Mais par ta grâce et par ton intervention, tu as fait de lui un pilier dans sa région. Par ta grâce et par ton amour infini, tu as fait de lui une référence dans sa région. Je bénis tous les témoignages que tu établis dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Toi qui n'as point ton semblable sur cette terre, toi le Dieu sans pareil. Mais avant de prononcer ces paroles, j'aimerais que tu dises avec moi pendant que tu m'entends, Shama, tu es là. Shama, tu es là. Shama, Shama, Shama, tu es là. Dis-le avec plus de conviction. Dis-le, il est à côté, il est tout près de toi. Shama, Shama, Shama, tu es là. Même si tu ne vois rien, il est là, il est tout près. Shama, Shama, Shama, tu es là. Même si tu es convaincu que rien ne bouge, je puis te dire qu'il est en train de travailler. Shama, il Shama, est à l'œuvre chaque Shama, jour. Tu es là. La Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort, ce Dieu que nous avons. Et il est là. Shama, Shama, Shama, hey. Tu es là. Comme un doux murmure, comme un doux murmure. Shama, Shama, Shama, Shama. Comme un doux murmure ce matin, commence à sourire et dis-le encore. Shama, Shama, Shama, tu es là. Il est sans pareil ce Dieu-là. Il est sans pareil dans sa façon de fortifier. Il est sans pareil dans sa façon de conduire. Il est sans pareil dans sa façon de consoler. Il est sans pareil dans sa façon d'éclairer. Il est sans pareil dans sa façon d'exaucer. La Bible déclare qu'il est le Dieu qui, lorsque nous l'invoquons pour demander une chose, est capable de faire au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Même dans sa façon d'exaucer, il n'a point son semblable. Ha. Il n'a point son semblable. Il n'a point son semblable. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil, Jésus. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Oh, oh mon Jésus. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil, oh, oh, oh, oh mon Jésus. Dis-le avec moi, tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Contemple ce grand Dieu. Tu es sans pareil. Admire-le. Tu es sans pareil, oh, oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Dis-le en encore, encore, encore. Tu es sans pareil. Tu l'es réellement. Tu es sans pareil. Sans pareil. Tu es sans pareil. Mon Jésus. Oh mon Jésus. Tu es sans pareil. Tu es sans tu pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Jésus. Oh mon Jésus. Dans ta façon de créer, tu es sans pareil. Tu es sans pareil. La Bible déclare que tu t'es tenu et tu as dit. Tu es sans pareil. Que la terre soit et elle fut. Tu es sans pareil. Que la lumière soit et elle fut. Oh mon Jésus. Dans ta façon de créer, tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Alléluia. Tu es sans pareil. Même dans ta façon de délivrer, tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Même dans ta façon de libérer, oh, tu es sans mon pareil. Jésus. Au moment où ton peuple s'attendait à combattre, tu Seigneur, es sans pareil. Quand ils sont arrivés aux portes de Jéricho, tu es sans pareil. Tu leur as demandé de te louer simplement. Tu es sans pareil. De faire le tour de Jéricho. Oh mon Jésus. Et sans fusil, sans arc, tu as fait tomber les murs de Jéricho. Pendant la louange, tout simplement. Tu es sans pareil. Alors que nous sommes en train de te louer et de t'adorer, Seigneur. Que les murailles de Jéricho tombent dans la vie de quelqu'un. Que les murailles de Jéricho tombent dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Et que chacun puisse entrer dans son canal. Dans sa terre promise et saisir ce que tu lui as réservé. Mon Jésus. Oh mon Jésus. Ce que tu as fait dans le passé. Tu le fais dans le présent. Ce que tu fais dans le présent, oh, oh, oh, tu le feras dans le futur. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais dans le présent. Ce que tu fais dans le présent, oh, oh, oh, tu le feras dans le futur. Ce que tu as fait. Tu as fait dans le passé. Le passé. Tu le fais dans le présent. Ce que tu fais dans le ce présent. Ce que tu fais dans le présent. Tu le feras. Tu le feras dans le futur. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait dans le passé. Le passé. Tu le fais dans le présent. Ce que tu fais. Ce que tu fais. Ce que tu as fait pour Bartimée, tu le fais pour mon frère qui t'écoute. Ce que tu as fait pour Lazaro, tu le fais pour ma sœur à l'hôpital. Ce que tu as fait pour Marie, tu le fais pour ma sœur à la rue Princesse. Ce que tu as fait pour Lazare et pour tous ceux que tu as ressuscités, tu le fais dans la vie de quelqu'un qui m'entend. Ce que tu as fait pour ce boiteux, tu le fais pour ton fils qui t'adore. Ce que tu as fait pour ces lépreux, tu le fais pour quelqu'un qui entend ta voix. Tu n'as pas changé, éternel. Tu n'as pas changé, Adonai. Tu n'as pas changé, éternel. Tu n'as pas changé, Adonai. Tu n'as pas changé, éternel. Tu n'as pas changé, Adonai. Tu n'as pas changé, éternel. Tu n'as pas changé, Adonai. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Ta façon de consoler, tu es sans pareil. Dans ta façon de m'aimer, oh mon Jésus. Dans ta façon de me conduire, tu es sans pareil. Dans ta façon de m'éclairer, tu es sans pareil. Dans ta façon de m'ouvrir les yeux, tu es sans pareil. Dans ta façon de me parler, oh mon Jésus. Dieu éternel, tu fais la différence. Nous sommes nés dans des régions souvent où il y a des dieux qui sont faits de rochers, qui sont faits d'arbres, de fleuves, de rivières, de montagnes. beaucoup ont préféré adorer la création au lieu d'adorer le Créateur, Seigneur. Mais tu nous fais comprendre que s'il y a un Dieu que nous devons adorer, c'est toi et toi seul. Parce que parmi tous ceux qui se font appeler Dieu, tu fais la différence et tu es le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est toi. Le seul vrai Dieu, c'est toi. C'est pourquoi toi seul mérites mon adoration, Seigneur. Parmi tous les dieux, tu fais la différence. Parmi tous les dieux, tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, tu fais la différence. Parmi tous les dieux, tu es le seul vrai Dieu. Parmi différence est claire. Parmi tous ces dieux, tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, tu fais la différence. Tu fais la différence. Parmi tous les dieux, parmi Tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, parmi tous les dieux, tu fais la différence. Tu fais la différence. Parmi tous les dieux, parmi tous les dieux, Tu es le seul vrai Dieu. J'ai vu des dieux fait de bois, mais le bois peut se consumer. Toi, tu ne te consumes pas. Tu es le seul vrai Dieu. J'ai vu des dieux faits en fer, mais le fer peut être fondu. Personne ne peut te fondre. Tu es le seul vrai Dieu. J'ai vu des dieux faits en cire, mais la cire peut être fondue. Tu ne seras jamais fondu. Tu es le seul vrai Dieu. J'ai aussi vu des dieux faits en verre, mais le verre peut se briser. Toi, tu ne te briseras jamais. Tu es le seul vrai Dieu parmi tous les dieux. Parmi tous les dieux, tu fais la différence. Tu fais la parmi tous les dieux, parmi tous les dieux, tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, parmi tous les dieux, tu fais la différence. Parmi tous les dieux, des dieux demandaient des poulets pour un sacrifice rituel. Tu ne m'as n'as jamais demandé de poulet. Tu es le seul vrai Dieu. J'ai entendu des dieux demander que je me sacrifie. Et pourtant toi, tu ne le m'as jamais demandé. Au contraire, toi-même, tu t'es sacrifié pour moi. Tu es le seul vrai Dieu. Il y a des dieux qui m'ont demandé des millions et des milliards. Toi, tu ne l'as jamais fait. Le sacrifice même que tu as fait, je ne peux le payer. Tu es le seul vrai Dieu. Des dieux ont voulu me dépouiller. Mais toi, tu es venu pour m'enrichir. Tu t'es dépouillé toi-même, fils du roi des rois. Tu es le seul vrai Dieu. Parmi nous chantons, parmi tous les dieux, tu fais la différence. Tu fais la différence. Parmi tous ces dieux, parmi tous les dieux, tu es. Tu es le seul vrai Dieu. Parmi tous les dieux, parmi tous les dieux, hey. Tu fais la différence. Parmi tous les dieux, tu es. Tu es le seul vrai Dieu. Among other gods, your difference is clear. Tu fais la différence parmi tous les dieux, parmi tous les dieux. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Il nous demande de sacrifier nos fils. Il nous demande de sacrifier nos entrailles. Il nous demande de sacrifier notre fécondité, notre fertilité. Il nous demande de sacrifier la grâce que tu as mise sur nos vies. Mais toi, tu ne l'as jamais demandé. Au contraire, tu as sacrifié ton fils unique pour un pécheur comme moi. Au contraire, tu t'es dépouillé toi-même pour moi. Ton amour pour moi, Seigneur, est ma plus belle richesse, est ma plus grande richesse. Ton amour pour moi est mon trésor le plus précieux. C'est pourquoi toute ma vie, je veux pouvoir t'adorer. Je veux pouvoir te chanter. Je veux pouvoir m'approcher de toi. Je veux pouvoir m'approcher de toi. M'approcher de toi. M'approcher de toi, tout simplement parce que tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu ne changes pas, tu es le même. Le même sauveur, le même berger. Oh, tu ne changes pas. Tu es le même. le même puissant guerrier, le même bouclier. Non, tu ne changes pas. Tu es le même consolateur, le même Emmanuel. Non, tu ne changes pas. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Oh, tu ne changes pas. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Protecteur, non, tu ne changes pas. Le même qui a guéri, c'est toi. Le même qui brise le joug, c'est toi. Tu es le même. Tu ne changes pas. Le même qui ouvre les entrailles, c'est toi. Le même qui libère, c'est toi. Le même qui restaure, c'est toi. Non, tu ne changes pas. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est toi. Celui qui fit les eaux, qui rassembla les eaux du ciel, c'est toi. Celui qui envoya le Saint-Esprit, c'est toi. Tu ne changes pas. Le mal qui me ronge est tout petit à tes yeux. La souffrance qui me ronge est toute petite à tes yeux. Car tu es le même. Tu n'as pas changé. Si pendant 38 ans il n'a pu marcher, et quand tu t'es présenté, il s'est levé et a marché. Quelle que soit la durée de ce mal, tu n'as pas changé, Seigneur. Je me lèverai et je témoignerai. Il est né aveugle, toi le même Dieu, tu l'as guéri. Je suis né infirme, mais je sais que tu peux changer mon histoire, car tu es le même réparateur des brèches, tu es le même, Jésus, tu n'as pas changé, tu es. Le Saint-Esprit, tu es le même, le même, le même. Tu ne changes pas. Tu es le même, tu es le même, tu es le même. Ah, tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu es le même. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Mais pendant que tu écoutes cette douce musique, je voudrais que dans ton cœur, tu commences à élever la voix. Et que tu commences à exposer ta vie devant ce Dieu qui n'a pas changé. Écoute, ton espérance ne sera pas vaine. Ceux qui s'appuient sur lui, ceux qui comptent sur lui, ne sont jamais dans la confusion. C'est pourquoi la Bible te recommande de ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse, mais de mettre ta confiance en l'Éternel. Si tu le fais, il aplanira tes sentiers, dit la parole. Il est le même, ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Répands ton cœur devant lui. Répands ton âme devant lui. Répands ton esprit devant lui. Il n'a pas changé. Il est toujours la même solution. Le chemin, la vérité et la vie. Ce Jésus n'a pas changé. Et il ne changera pas à cause de toi seul. Ce qu'il a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Il est encore capable de le faire aujourd'hui. Je sais que tu as beaucoup pleuré. Je sais que tu as beaucoup crié. Je sais que tu t'es beaucoup lamenté. Mais l'apôtre Paul nous recommande d'être renouvelé par, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans les bras d'amour de notre Dieu. Alors, même si en ce moment même tu as envie de pleurer, même si en ce moment ton cœur saigne, je voudrais que tu fasses quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Que tu sois même en train de pleurer et que tu chantes et que tu célèbres et que tu te réfugies dans les bras d'amour du Seigneur. Il y a de l'espoir pour toi là-bas. Je ne te dis pas d'aller dans les bras de ton époux, dans les bras de ton épouse, dans les bras de ton frère ou de ta soeur ou de papa ou de maman, mais que tu ailles dans les bras du Seigneur. Hey! Alléluia! Et même si tu es dans ta chambre, lève-toi et commence simplement à le louer. Simplement à le célébrer. Simplement à le magnifier. Ses bras sont ouverts pour toi. Ses bras sont ouverts pour toi. Ha. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup crié. Je veux changer. J'ai longtemps murmuré. J'ai longtemps accusé. Mais aujourd'hui, je veux chanter. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup crié. J'ai longtemps murmuré, j'ai longtemps accusé, mais aujourd'hui je veux changer. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié, mais réveilles ce matin. Pendant que tu es en train de le louer, quelque chose se passe dans ta maison. Pendant que tu es en train de le louer, quelque chose se passe dans ta maison. Pendant que tu es en train de le célébrer, il est en train de tendre une embuscade devant tes ennemis. Il est en train de tendre une embuscade devant tes adversaires. Il est en train de tendre une embuscade. Continue de le célébrer, continue de le célébrer. Alléluia. Dalila kimiki, Naima kimiki, Pasinaga, Ezo silateo. Dalili miki, Natungi sami miki, Lelo kole la nanga, Ebongo. Je reprends juste pour toi. Nalili Miki, Naima Kimiki, Pasinanga, Eso Chilateo. Nalili Miki, Natungi Sami Miki, Lelo Kole La Nanga. Pour moi, mes commis et singo. Ouvre les bras, ouvre les bras, ouvre les bras. Plonge-toi dans les bras d'amour du Seigneur. Tes bras, oh, oh, l'amour. Dans tes bras, d'amour. Rien ne suffit pas si je suis loin de tes bras. Chanter ne changera rien si je suis loin de toi. Si loin de toi, hurler de toutes mes forces ne fera rien. Si je suis loin de toi, dans tes bras, tes bras, d'amour. Dans tes bras, d'amour. Je pourrais toucher le ciel sans toi, c'est zéro. Je pourrais parcourir l'univers sans toi, c'est zéro. Je pourrais marcher sur les eaux, oh, oh, oh. Sans toi, c'est zéro. Partout dans le monde, sans toi, c'est zéro. Je veux rester dans tes bras, d'amour. Hey. Rester je veux être tout près. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près. Tout près de toi. Hey. Contre ton cœur. Tout près. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. C'était l'heure de l'adoration, une production de Fréquence Vie. Son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière.